Le vestibule. Le vestibule s'ouvrait à vous en ce samedi 31 mars 2007 avec la musique du duo In Honor, qui est composé de Emmanuel Sartitis et de Oli Olsen, un compositeur australien qui fait carrière depuis plus de 30 ans au sein de la scène musicale australienne. Il a été, au début de sa carrière, membre de plusieurs groupes punk et post-punk, pour par la suite, se concentrer sur la composition de musique pour les films, cinéma, télévision, également pour des expositions de différents artistes. Il a œuvré donc tant au sein de la musique instrumentale, électronique, rock, donc artiste assez complet. Et donc son groupe In Honor, qu'il partage avec Emmanuel Sartitis, eh bien, il nous présentait ici la pièce Past Tense, pièce que l'on retrouve sur la compilation Iconic, parue sur étiquette australienne Psy Harmonix. Jean-François Fecteau qui vous accueille pour une 506e fois en cette soirée saturnienne dans le vestibule. Et jusqu'à 23h, je vous présenterai des musiques majoritairement électroniques. Donc, sans plus tarder, nous allons enchaîner avec une formation américaine du nom de Anders Manga. Et ils nous offrent ici leur composition Public Service Announcement. Voici donc Anders Manga dans le vestibule. Marijuana is the bomb. Marijuana is a narcotic. Everything's how it's supposed to be. In my warm cigarette room, everything's how it's supposed to be. In my warm cigarette room. And every time I go to sleep, I weep, weep, weep, weep. Every time I start to cry, why? Oh, my warm cigarette room, my warm cigarette room, my warm cigarette room, my warm cigarette room. Every time I go to sleep, I weep, weep, weep, weep. And every time I start to cry, why, oh why, my warm cigarette room, my warm cigarette room, my warm cigarette room, my warm cigarette room, oh my warm cigarette room. Thank you. La séquence musicale se terminait dans le vestibule avec l'artiste allemand Praful, qui habite maintenant Amsterdam pour des raisons que l'on ignore. Et il nous présentait ici sa pièce Morphic Resonance, que l'on retrouve sur son album One Day Deep. Et sur cette pièce, on retrouve bien sûr des influences très marquées de la musique indienne, avec entre autres l'utilisation de tabla et de flûte de bambou indienne. Tout juste avant Praful, c'était l'artiste britannique Murs, mieux connu par ses parents sous le nom de Conrad Lambert. Il nous présentait ici sa chanson Warm Cigarette Room sur son excellent album Love Heart. Et pour débuter la séquence, formation américaine du nom de Enders Manga et la pièce Public Service Announcement de leur tout récent album Blood Lush. Jean-François Fecteau, qui vous accueille toujours et encore et qui perpétue la perpétuité dans le vestibule jusqu'à 23h, pour me joindre, pour peu importe la raison, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc, vous pouvez m'écrire via mon adresse électronique, levestibule@commercialsegocable.ca, également en composant dans le 819 le 376-5183, le 376-5183, et vous pouvez également visiter le profil Le Vestibule sur MySpace pour en savoir davantage sur les artistes que je vous présente, également pour en savoir davantage sur le palmarès de musique électronique et pour écouter les anciennes émissions Le Vestibule, donc tout simplement au myspace.com/Le Vestibule. En musique maintenant, nous allons entendre un trio londonien qui est londonien de par sa location et non pas de par son origine. Il s'agit de Jacuzzi qui nous présente la pièce BLN. Voici donc Jacuzzi dans Le Vestibule. Through to the BLN, there's a lot I can learn from the BLN, and I'm gonna match it up with the LTN. I don't need to brag about the East End, got the best of both worlds in it in the end. Why's everybody chatting about the LDN when we know what's going off in the BLN? Just looks like the people up in marketing, I got a bigger budget up for the LDN. Every time an MC mentions the Big Ben, the Queen of Carmelo, she will sponsor them. They're trying to build a hype about the LDN, just like the Double Jungle and the Beatles back then. You wouldn't see me wearing no Union Jack, you wouldn't see me waving no German flag, you wouldn't catch me with a flag from a Tamil Dad, cause I really think the flags are really rather whack. Whack, whack, whack, whack. BLN, hordes of English tourists on the easy jet, coming to Berlin to get out of their head. Just too many rules in the LDN, you're not allowed to do much in the LDN. Party people free in the BLN, they never close the club even at 10 a.m. No people wearing suits allowed to run round them, no drink up, drink up security men. When I was 22 I had enough of them, sitting on the tube and pubs close at 10. I mean 11. ting, Berlin. London is ahead and blowing up that ting. Is that what makes good old Berlin, Berlin? But there ain't nobody working shouting BLN. Passionné de musique, féru d'un sujet qui vous captive, vous voulez produire et animer votre propre émission de radio afin de faire connaître votre passion à la communauté? CIFOU 89.1 FM vous offre la possibilité de partager vos découvertes sur les ondes pendant la programmation d'été 2007. Vous n'avez qu'à soumettre votre projet en complétant le formulaire de dépôt de projet d'émission disponible sur notre site internet au www.cifou.ca. Date limite 6 avril. Salut, ici Steve Marchand, propriétaire de la bande dessinerie. Depuis maintenant près de 20 ans, la bande dessinerie est le seul vrai spécialiste en bande dessinée et jeux de rôle en Mauricie. Située dans le centre d'achat Normandville face au cégep de Trois-Rivières, la bande dessinerie vous offre un choix exceptionnel de bande dessinée et de jeux de rôle. Avec les collections telles Largo Winch, 13, les Chroniques de la Lune Noire, de même que la gamme complète des produits Wizard et White Wolf, vous êtes certain de trouver ce que vous cherchez. La bande dessinerie, le spécialiste en bande dessinée et jeux de rôle. Le vendredi 6 avril, Vulgaire Machin est de retour en spectacle au Maquisard dans le cadre de leur tournée à travers le Québec avec Sub et Akuma. Billets en vente au Maquisard. Vulgaire Machin avec Sub et Akuma, le vendredi 6 avril au Maquisard. Une présentation québecpunkscene.net, Reste et C'est fou 89.1. Écoutez le son de demain, dès aujourd'hui. C'est fou 89.1. As you walk on by, I thought I might have seen you smiling. The rivers of blood are flowing beneath our feet, Abbe. I've been to hell, young man. You've only read about it. flowing beneath our feet, Abbe. I've been to hell, young man. You've only read about it. Vous avez sans doute reconnu la célèbre pièce de la formation britannique The Cure, Love Song, ici interprétée par la formation Niaz, qui est composé de la chanteuse Azam Ali, qui est née en Iran mais qui a grandi en Inde et qui est aussi chanteuse de la formation Vass. Niaz est aussi formé de Loga Ramin Torkian, qui est iranien également et qui fait partie, lui, de la formation Axiom of Choice. Et finalement, Niaz est complété par Carmen Rizzo, qui est réalisateur, producteur et qui a travaillé avec de nombreux artistes, dont Coldplay, Ekova, Le Cirque du Soleil, Alanis Morissette, dis-je. Et donc, ensemble, ils forment Niaz et leur pièce Love Song, leur reprise de la formation de The Cure, eh bien, se retrouve sur la compilation Backspin, compilation qui célèbre le 10e anniversaire de l'étiquette de disque Six Degrees. Et cette compilation occupe la 3e position cette semaine au palmarès de musique électronique. Niaz était précédé de la formation Reaper, qui est en fait le projet de Vassi Valis, artiste grec, qui fait partie de Frozen Plasma et qui faisait partie de la formation Nam Nam Bulu. Et de son projet Reaper, nous entendions Memento Mori. Et on retrouve cette pièce sur le plus récent album de Reaper, l'album Hell Starts with an H. Et cet album occupe la 9e position au palmarès de musique électronique. Et on débutait la séquence avec le trio Jacuzzi, qui est formé d'une chanteuse sri-lankaise, d'un musicien multi-instrumentiste israélien et finalement d'un londonien de souche qui s'occupe, ma foi, des arrangements et des compositions. Et ensemble, donc, ils forment Jacuzzi et nous interprétaient BLN, pièce qui se retrouve sur la compilation Camping Volume 3, compilation qui occupe la toute première position au palmarès de musique électronique cette semaine. Pour poursuivre sans plus s'attarder dans le vestibule, j'aimerais seulement vous mentionner que vendredi prochain, soit le 6 avril, je présenterai une émission spéciale à compter de 23h en remplacement exceptionnellement de l'émission Électrochoc. Je vous présenterai pour l'occasion les artistes, ou des artistes plutôt, qui se produiront lors du festival Coma 4 qui aura lieu le 6, 7 et 8 avril prochain à la SAT à Montréal. Donc, festival d'électronoise qui en est à sa 4e édition cette année. Et donc, le vendredi 6 avril à 23h, je vous présenterai donc des artistes qui présenteront leur spectacle lors de cet événement. Et bien sûr que le samedi 7 avril, je présenterai, comme à l'habitude, le vestibule à compter de 21h. Ceci étant dit, nous allons maintenant entendre le projet allemand Drumcore qui nous présente la pièce Incarnate dans le vestibule. Oh!

Vous pouvez entendre dans le vestibule une triple collaboration suédoise, c'est-à-dire que l'on entendait la pièce Tierra Azul du duo suédois Vibrasphere, qui a été remixée par le projet suédois Omnimotion. Et sur cette version remixée de Tierra Azul, on entendait le chanteur suédois Christer Linder. Et cette version de Tierra Azul de Vibrasphere, on la retrouve sur le nouvel album de la formation, qui n'en est pas tout à fait un, en fait. Il s'agit de Archipelago Remixed, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un album qui comprend des versions remixées des pièces que l'on retrouvait sur l'album, Archipelago. Et cet album de Vibrasphere fait son entrée cette semaine en 8e position au palmarès de musique électronique. Tout juste avant, on a pu entendre la formation allemande New. Je sais que ma prononciation allemande est très déficiente, mais vous pardonnerez quand même mon humble effort. Donc New, qui est bien sûr la formation culte, ma foi, de krautrock, qui, avec des formations comme Fast et Can, eh bien, ont un peu initié le genre et qui ont par la suite influencé bon nombre d'artistes, également des artistes dans la communauté de la musique électronique. Et la formation New, eh bien, a été formée en 1971 de la première scission au sein de la formation Kraftwerk. Donc, deux membres de Kraftwerk ont formé New. Et ce que l'on entendait, c'était la pièce Negative Land de leur premier album éponyme, bien sûr paru en 1971. Et on débutait la séquence avec le projet allemand Drumcore, le projet de Aaron Spector, de qui on pouvait entendre la pièce Incarnate de son album Grist. Et la pièce donc Incarnate est peut-être la moins, disons, agressive de l'album. Donc si vous avez besoin d'un album propice au ménage du printemps avec balayeuse et tout le tralala, eh bien c'est peut-être l'album à vous procurer, Drumcore, l'album Grist.

up in a slum neighborhood where the crime rate is amongst the highest in the nation is not easy. But I think in this instance, I would have to be out of my mind not to recommend that you be sent to the asylum for the criminally insane at Matawan. That is dangerous. On pouvait entendre dans le vestibule le projet français Wax Taylor et la pièce There is Danger de l'excellent album Hope and Sorrow qui occupe la sixième position au palmarès de musique électronique cette semaine. Précédemment à Wax Taylor, c'était le projet américain Assemblage 23, le projet de Tom Shear, de qui on pouvait entendre la pièce Binary remixée par Nerve Filter, sous le nom tout simplement de Nerve Filter Dub. Et cette version, on la retrouve sur le mini-album Binary, qui occupe la quatrième position au palmarès de musique électronique. Et pour débuter, c'était un duo américain du nom de Biomechanic, qui est en fait un projet parallèle de Oxygen Law, et en plus de la chanteuse Dana Saul. Et ensemble, donc, ils ont formé Biomechanic, de qui on pouvait entendre Fembots in Las Vegas. Ça se retrouve sur le CD single pour la pièce Kick. C'est le temps maintenant d'entendre le duo allemand Concise, un extrait de leur tout dernier album Revive. Nous allons donc entendre la pièce Nothing de Concise dans le vestibule. Thank you.

desire. Are you strong enough to play with my fire? We'll be right back.

On a pu entendre dans le vestibule la musique ambiante de la formation grecque Parallel Worlds. Et la pièce s'intitulait Reflective. Et elle se retrouve cette pièce sur l'album Obsessive Surrealism de l'étiquette DIN. Et cet album de Parallel Worlds occupe la 7e position au palmarès de musique électronique. Précédemment à cette formation grecque, c'était le duo israélien Basic, de qui on pouvait entendre la pièce Hard Questions, qui se retrouve sur leur tout dernier album et leur premier, Theory of Hype. Et cet album occupe la 5e position au palmarès de musique électronique. Et pour débuter, c'était le duo allemand Concise, de qui on entendait la chanson Nothing, pièce qui est parue sur leur album Revive. Et cet album Revive de Concise fait partie d'une triple parution avec la formation FLAC et l'album Mindscapes et la formation X-Dynamics et la pièce Regular Loader Routine. Donc cette triple parution sur étiquette Wycombe Records, eh bien, elle occupe la 2e position au palmarès de musique électronique cette semaine. Et si jamais vous désirez consulter le palmarès de musique électronique, ainsi que tous les autres palmarès de la station, vous pouvez vous rendre sur le site de la station au www.cfou.ca et dans la section palmarès, bien entendu. Alors, c'est presque tout en ce qui a trait à l'émission Le Vestibule de ce 31 mars 2007. Jean-François Fecteau qui vous remercie d'avoir été présent pour cette 506e émission. Et on va se laisser sur un dernier segment qui comprendra dans l'ordre le Britannique Robert Fox et sa composition The Serpent's Tale, tirée de son album Touching the Serpent's Tale, album qui occupe la 10e position au palmarès de musique électronique. Et pour clore l'émission, ce sera l'artiste féminine Hunter Null et la pièce Prophecy. Et c'est paru sur les mini-albums Sacrament et Absolution, paru sur étiquette belge Alpha Matrix. Alors, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, mais prenez bien note que vendredi prochain, le 6 avril, je présenterai à compter de 23h une émission spéciale consacrée au Festival de musique électronique Coma 4 qui se tiendra à Montréal la semaine prochaine, les 6, 7 et 8 avril prochains. Donc, le 6 avril prochain à compter de 23h et également le samedi 7 avril à compter de 21h, comme à l'habitude. Alors, Jean-François Fecteau qui vous remercie d'avoir été présent et qui vous souhaite, comme à l'habitude, peu importe. I know you're not always supposed to, I know you're not always supposed to, I know you're not always supposed to. Feeling on your hands and knees.